Avant d'écrire, j'avais plein d'idées peut-être bêtes mais cool. Je prends le stylo et le papier, je me prends la tête, c'est mou, je sais pas où je vais. Je suis le fruit d'une génération qui vit en pénétration dans une autre où le seul but est la célébration. Tu sais, je me fous de ton compte en banque. Je rappe pour qu'on entende que le bonheur n'est jamais plus beau qu'en le contemplant. Perdu dans leur sphère, j'essaye de pas me noyer là où beaucoup recherchent la vertu dans leur verre, têtu dans leur tête, mais pas coupable de leurs actes. Des valises sous les yeux et de la drogue dans leur sac. Les médias adorent ça, en font un film d'Orcel crade. Et ma vision de la vie se fait boxer le crâne. Chaque année m'éloigne des odeurs et des souvenirs. L'enfance témoigne de la subtilité à mettre les sous-titres. Je garde la tête en dehors de l'eau. Construis ma pirogue, oui le pyrome caché faiblesse dans les torts de l'autre. Dans le sillon je dénote, je me fous des tracks d'usine. Le silence entre les notes et la clé de voûte de chaque musique. Les autres se taisent quand l'un visite. À chaque éveil le café se corse, le réveil révèle les forces de l'invisible. Parqués comme des bêtes, boursouflés par les cris. Traqués par les dettes, étouffés par les prix. Les jugements sont traîtres et les lois si mal écrites. Dire qu'un mal écrit c'est mettre à mal sa foi d'équipe. Je vois pas la lumière dans leur bordel si la crasse tamponne. Profite d'être libre avant que la masse t'emporte. La misère est sale comme ce chlac qui pisse qui saigne. Chez nous les crackers c'est pas des biscuits secs. Je crois que je vole, je suis trop léger. Ma foi j'ai mal entre les automates, je marche, j'essaye de me protéger. Tu piges, pas reste assis, je pique. J'ai gardé l'acide, les rappeurs de merde font des hits, pas des classiques. Oh merde, par les cartons pisse, génération man. L'époque est mal comprise, génération bad. Égaré par la tease, éclairé par mon âme. C'est génération bad. Par les cartons pisse, génération man. L'époque est mal comprise, génération bad. Égaré par la tease, éclairé par mon âme. C'est génération bad.